chose. J'ai mon sang qui coule et mes ovaires explosent. Un tampon dans le cul et je remets mon string. J'appelle mes copines et je vais faire du shopping. Faire du shopping. C'est trop excellent d'avoir ces ragnagna. C'est vraiment trop génial d'avoir ces ragnagna. C'est trop excellent d'avoir ces ragnagna. C'est vraiment trop génial d'avoir ces ragnagna. D'avoir ces ragnagna. D'avoir ces ragnagna. J'ai compris, c'est pas de piscine, madame. Et quelques mois plus tard, j'ai compris le fonctionnement. La couche à l'ouest et tant Pax me comprend. Pax me comprend. C'est trop excellent d'avoir ces ragnagna. C'est vraiment trop génial d'avoir ces ragnagna. C'est trop excellent d'avoir ces ragnagna. C'est vraiment trop génial d'avoir ces ragnagna. D'avoir ces ragnagna. D'avoir ces ragnagna. Une bière à la main et l'autre dans le caleçon. Mon mec se paluche, il est là comme un con. Ça me fait marrer, je fais que l'engueuler. Tellement je suis chiante, il se met à chialer. Il se met à chialer. C'est trop excellent d'avoir ces ragnagnas. C'est vraiment trop génial d'avoir ces ragnagnas. C'est trop excellent d'avoir ces ragnagnas. C'est vraiment trop génial d'avoir ces ragnagnas. C'est trop excellent d'avoir ces ragnagnas. C'est vraiment trop génial d'avoir ces ragnagnas. C'est trop excellent d'avoir ces ragnagnas. C'est vraiment trop génial d'avoir ces ragnagna, d'avoir ces ragnagna, d'avoir ces ragnagna. C'est trop excellent d'avoir ces ragnagna.